France Impro, ça donne chaud. Salut à tous, c'est France Impro ce matin. Dans la fraîcheur du matin de ce samedi, peut-être un peu d'allégresse aussi. On est chez FMR, là, il est 10h. Et on est trois dans la salle derrière les micros. Donc c'est Jean-Michel ici avec Dominique. Bonjour. Et on invite ce matin Jean-Pierre Leyrac. Salut. Bonjour. Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre Leyrac, pourquoi? Vous en doutez peut-être un peu pour ceux qui le connaissent. On va parler ce matin de la programmation du festival qui se passe dans les Pyrénées au mois de juillet, qui s'appelle Jazzalus. Et dont Jean-Pierre fait partie de l'organisation, même plus que ça, je pense. Ouais. Oui, ça fait un petit bout de temps maintenant. Ah, je crois. Voilà. L'idée de ce matin, c'est de vous passer un peu de musique, du son, pour vous faire découvrir le programme de cette année, vous parler de l'idée de la programmation du point de vue de comment ça s'est construit, quelle est la logique d'ensemble, s'il y en a une, comment ça se place par rapport peut-être aux années précédentes. Est-ce qu'il y a des points forts particuliers? Voilà, plein d'anecdotes dont je suis sûr Jean-Pierre a dans sa musette. Une idée forte, non? Enfin, il y en a plusieurs, j'ai envie de dire. Quoi. En tout cas, bon, c'est sûr qu'on travaille sur les mêmes envies que les autres années, c'est-à-dire de présenter, on le dit sur l'arrière du programme, c'est-à-dire le pari de l'étonnement. Donc encore une fois, on cherche justement à faire découvrir des nouvelles choses, c'est un peu le but. Ouais. Bon, il y a cet aspect du festival, mais il y a aussi, je dis, il y a plusieurs festivals en un, c'est-à-dire qu'il y a tous ces parties justement où on va découvrir des groupes nouveaux, mais aussi des moments plus détendus, je dirais, avec des balades dans les petits villages autour, parce qu'on a la chance d'être dans une vallée magnifique, où on fait intervenir des artistes dans la nature, évidemment. Ça, c'est quelque chose que maintenant les gens qui viennent à Luz commencent à connaître. Et puis après, je dirais, des parties encore plus détendues, ça serait plutôt vers les fins de soirée, voire dans la nuit, où c'est carrément plus festif. Mmh. Voilà, c'est un petit peu, pour résumer un petit peu le... Voilà ce qu'est Jazzalus. Il y a des moments très différents, et c'est un peu, on essaie de trouver l'équilibre entre ces différentes choses comme ça. C'est là le travail chaque année, pour que ça permet aux gens qui viennent au festivalier, qui viennent vraiment chercher des choses au niveau musique qui vont les étonner. Et puis aussi aux gens qui sont sur place comme ça, de profiter aussi du festival, on doit trouver un équilibre comme ça. Ouais. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Jazzalus, qui ne seraient pas venus, qui ne connaîtraient pas forcément la musique qui y est passée, ça s'appelle Jazzalus, il y a jazz dedans, mais ce n'est pas Marciac quoi, hein, du tout. C'est un mélange. Moi, j'en ressors souvent, enfin toujours d'ailleurs, avec une impression vraiment, vraiment excellente qui est qu'on assiste à des choses qui sont de la musique en création. Quoi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de jeunes artistes qui défriche des routes nouvelles entre du jazz contemporain, entre de la musique classique expérimentale, entre de l'improvisation, du rock. Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire de ça? C'est vrai que l'étiquette jazz, on s'est souvent posé la question et ça interpelle un petit peu. C'est dit, on a continué à l'appeler jazz parce que dans l'esprit, ça reste jazz. Mais c'est vrai qu'on est souvent au niveau du tout début du jazz, finalement, quand ils ont défriché ces routes-là. Le jazz a toujours été comme ça, à se marier avec plein d'autres choses. Mais après, c'est vrai qu'on est souvent loin quand même, pendant tous les concerts de Luz, de ce qu'on a d'idée de jazz, tel que le jazz traditionnel. Donc voilà, donc une fois que... Mais je crois que c'est pas un problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment... ça peut aller sur du rock. Je veux dire, on n'est pas du tout fermé sur... Pas que ça ressemble à du jazz. Donc ça peut aller très très loin, quoi, dans les formes, quoi. Des choses très très différentes. Et voilà, cette année, par exemple, bon, chaque année, on a des thématiques sur le festival, un petit peu, des espèces de fils rouges. Souvent, le mariage du jazz avait d'autres arts, quoi, ou d'autres performances. Et puis là, cette année, ça, on va mettre un focus sur les poètes sonores. Là aussi, c'est une pratique qui est vraiment particulière, qui est vraiment très liée à la musique improvisée, parce que souvent, c'est des gens qui disent des textes avec des musiciens en improvisation. Donc, on va mettre un focus cette année là-dessus. Voilà, ça va être un peu... L'année dernière, nous avions les bricoleurs sonores, un petit peu, hein, les inventeurs de... Ouais. Voilà, donc c'est voilà. Pour donc, les Toulousains qui suivent un petit peu cette esthétique-là, il y a des choses qui se passent souvent au Théâtre du Hangar. Avec, voilà. Comment ça s'appelle alors, Les Bruissonnantes. Les Bruissonnantes. Voilà. Alors c'est vrai que c'est la thématique cette année est très liée aux Bruissonnantes. Mmh. Puisque, notamment en plus, Sébastien Lespinasse, qui est un des programmateurs des Bruissonnantes, sera présent au festival, justement, sera un des artistes qui vont être dans les poètes. Ouais. Voilà. Qu'on a invité déjà ici, au tout début de l'émission d'ailleurs, il y a 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute un peu de son? Un extrait de Free qui va être le premier jour. C'est un groupe qui est attendu un peu parce que c'est le tout dernier groupe de Théo Sicaldi que très peu de gens connaissent encore. Alors en fait, Théo Sicaldi, évidemment, on le connaît. Bon, alors nous, on se dit, bon, on va faire ça parce que c'est vrai que c'est un musicien qui est absolument passionnant, qui est amené à être une star d'un peu de temps. Donc on se permet de le faire avant qu'il soit vraiment une star. Après, on le laissera aux autres. Mais voilà, c'est sa dernière création, puis c'est vraiment des gens qui apportent quelque chose au jazz actuel. Mmh. Ouais. Donc c'est vraiment frais, il y a toute l'énergie, tout ça, et je crois que beaucoup de gens entendent ça. Et Frick, c'est donc programmé, c'est le premier jour? C'est le premier jour, oui. Ouais, c'est donc le 12? Voilà. Voilà, le 12 juillet. Le 12 juillet, Frick, tchou-tchou. parles de l'énergie brute mais audacieuse dans le programme et tu parles de l'énergie lyrique mais poilue. Excellent. Ce qui vient aussi dans ce groupe, c'est vraiment c'est le gratin un peu de cette génération, parce qu'on retrouve des gens comme Douce Tessier dedans, des gens comme Quentin Biardot, tous les frères Sicaldi, Caserotto. C'est vraiment des gens qui ont commencé à avoir un nom maintenant dans cette génération qui font partie du collectif, du tri-collectif d'Orléans. Ouais. Voilà. Et on sent, enfin moi je l'ai vu déjà, c'était aussi Galdi dans d'autres endroits les années passées. Ouais. Et il est vraiment, je trouve qu'il représente bien l'esprit de Jazzalus, c'est-à-dire qu'on le voit aussi bien dans des choses musique classique contemporaine, un peu impro et des choses plus comme ça, presque du métal quoi. C'est un musicien assez passionnant et c'est peut-être le musicien qui est le plus demandé à l'heure actuelle, c'est sûr. D'ailleurs, il va y avoir une projection pendant le festival d'un film qui a été sur Théo Sicaldi. C'est vraiment quand je dis, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre de l'importance sur le festival, sur le paysage de jazz français. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que dedans, il y a Quentin Biardot, un saxophoniste, qu'on va retrouver deux fois dans des projets alors totalement différents. On en parlera tout à l'heure, parce que nous avons un peu risque de passer un morceau de Quatuor Macho. Et dans Bob and Fever, donc c'est ça aussi montrer le travail de musiciens sur vraiment des angles très différents quoi. Ouais, mais je trouve l'un des intérêts de on voit vraiment la découverte de musiciens qui sont en train de qui se développent, qui prennent de l'espace, qui défrichent des routes, qui montent des projets à plusieurs, qui donnent des nouvelles esthétiques à partager. Non, mais c'est sûr que cette génération, on ne le dira jamais assez, a bousculé un petit peu le jazz en France. Et moi, ce qui m'a intéressé cette année aussi, c'est de trouver des projets justement avec un mélange des générations. Parce que c'est peut-être ce qui est un peu plus difficile en France, c'est les gens, ils ont tendance à jouer entre eux, à la même génération. Il y a très peu d'échanges. Et moi, je suis content parce qu'on va y avoir des échanges. Par exemple, il y aura un groupe d'Emery Cavis avec Donny Glasrow, ou alors avec Benyatta Chari, avec Erwan Karavec. Voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir vraiment les deux générations, et ça, c'est intéressant. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le mercredi 12 juillet, c'est à 22h sous chapiteau. Oui. Juste avant, il y aura un autre projet qu'on avait passé il y a peut-être deux mois, je ne sais plus quand tu étais déjà venu, Jean-Pierre, pour parler de différents concerts autour de Toulouse qui s'appelle Sweetest Choice. C'est Sirotto de mémoire, c'est ça. Hein, voilà, on va commencer tout en douceur. C'est un projet de Sébastien Sirotto. Il travaille sur des musiques baroques, des musiques moyenâgeuses. Donc voilà, on aime bien commencer aussi comme ça. C'est un duo de mémoire. C'est un duo, ouais. C'est un beau travail. Magnifique, ouais. Voilà. Et donc, en gros, chaque jour, il y a en soirée, il y a 2-3 concerts, et après, pour les jeudis, vendredis, samedis, ça commence le matin et ça finit à 1h du matin, 2h du matin. Par exemple, le jeudi, il va falloir que les gens se lèvent, même si ceux qui sont entraînés au club, parce que là, on va commencer avec un solo de Donny Glasrow sur un plateau là, perché au-dessus de la vallée, comme ça, ce qui est magnifique. Hein. Et donc, de là va partir toute la balade. Et c'est vrai qu'après, durant cette balade, puisqu'il va être consacré, comme je le disais, au poète sonore, on va retrouver évidemment plein de musiciens qui seront dans Freaks et dans d'autres groupes, comme ça, qui vont faire, qu'on va créer des petites duos inédits, tout ça, tout au long de ces... Ce sera plein de surprises, quoi. Mais ça, c'est les gens qui viennent au festival, ont l'habitude de ça. C'est l'occasion de faire rencontrer des musiciens aussi. Voilà, donc il y aura toute cette balade donc, avec Sébastien Lespinasse et Anne-Claire Hélot, qui a fait aussi un travail, une poète, qui va travailler aussi avec des musiciens. Et lorsque nous serons descendus, nous allons attaquer avec un concert de Quatuor Macho. Alors, Quatuor Macho, qui est encore Quentin Biardot, qui est dans le Freaks, et c'est un projet très original, puisqu'ils ont décidé de retranscrire la messe de Guillaume de Macho. Musique médiévale. Ils ont retranscrit avec 4 saxophones, c'est-à-dire à la place des voix. C'est assez ambitieux et le résultat est assez scotchant. Et on va les faire jouer dans la salle des thermes, qui est une salle avec beaucoup de réverb et tout. Donc utiliser cet espace, comme ils aiment bien jouer avec de la réverb. Là, ils seront en vie. C'est une salle magnifique, la salle des thermes de Luce. Et donc, on peut peut-être écouter un petit peu Quatuor Macho, c'est vraiment surprenant ce qu'ils arrivent à faire. On va écouter le Sanctus du Quatuor Macho. Donc Jean-Pierre, c'est quatre saxophonistes. Oui, quatre saxophonistes. Qu'on entend là. Oui, oui. Qui reprennent. Qui jouent dans l'espace, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on les a mis dans cette salle, parce qu'ils travaillent justement sur l'espace comme ça. C'est assez. On le sent dans la musique, comme ça, il y a cette utilisation de l'espace comme ça. C'est une musique qui a été écrite pour être jouée dans des. C'est la messe de Quentin Machaud, tout ça, mais qu'ils ont. Il y a une des parties improvisation. Oui, on vient d'en entendre une d'ailleurs, c'est assez intéressant comment ça s'intègre dans le. Ouais. Voilà. Le travail justement sur l'équilibre, rester fidèle au morceau avec des parties de. C'est tout un travail, ouais. Mais, ce groupe fait partie du même collectif, le tri-collectif que Frix. Donc là, évidemment, on voit qu'on est quand même sur deux mondes différents, mais c'est la même famille de musiciens. Moi, j'aime beaucoup ce travail de. Enfin, en tout cas, cette perception qu'on a, nous, où il nous emmène le long de la musique composée baroque de l'époque, retranscrite, et où de temps en temps, on sent qu'ils vont pas jusqu'au bout finalement, ouais, peut-être des phrases où ils rajoutent, il y a quelque chose de contemporain qui vient s'insérer là-dedans imperceptiblement et qui nous subjugue parfois. Moi, c'est un grand plaisir ça. Oui. Ouais, en plus dans ce lieu, on le pense là-dedans et on a vraiment, on s'imagine quelque chose qui va être assez magique. Quoi. Mais la musique préclassique était souvent un support à l'improvisation, donc c'est intéressant reprendre ce discours-là par des improvisateurs qui ont quand même un bagage différent des improvisateurs. Voilà. C'est un peu risqué comme démarche, je crois, parce que là, souvent, quand même, chez le classique, il faut faire attention, on ne peut pas s'attaquer comme ça. Mais bon, je crois qu'ils ont vraiment réussi leur pari, ils ont beaucoup de travail et c'est un beau projet. Quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est jeudi 13 à 19h. Voilà, donc ça va clôturer l'après-midi. Et là, il y aura un temps de détente avec notamment les Rogers qu'on connaît bien à Toulouse. Là, ça va être du funk New Orleans. Quoi. Bon, là, c'est. Voilà, parce qu'il y a ces moments de détente aussi. Et là, on va s'attaquer ensuite à un projet qui est assez important pour nous. Chaque année, on a un big band qui vient, une grande formation. Et c'est une formation évidemment qu'on a très peu l'occasion de voir jouer en France. Ils sont 23 musiciens. C'est un orchestre de Poitiers qui est dirigé par Claire Bergerot. Et tout basé sur tout un travail sur l'improvisation collective qui est assez impressionnant. Claire Bergerot est une musicienne dont on ne parle pas assez. On a eu l'occasion de la voir cette année avec voix accordéon. Et là, elle a quelque chose qui va être étonnant, ça, ce lobe. On peut en écouter un petit morceau. Hein. Donc, je l'ai lancé, c'est ce qu'on entend. Ouais. Je vous donne la première place. J'ai lu qu'ils existaient depuis 2010. C'est un projet qui avait été monté à partir de cette date-là environ. Je suppose qu'ils ont bossé, mais en forme le projet. Oui, c'est un projet qui a évolué. C'est vrai que c'est vraiment un collectif au départ, comme autour de la personnalité de Claire Bergerot. Et voilà, ils ont réuni à peu près tous les musiciens de Poitiers. Il y a des gens qui sont parmi des gens comme Éric Brochard, Jean-Luc Petit, qui sont quand même des super des musiciens quand même reconnus. Et donc c'est ouais, il y a aussi comment il s'appelle le ah bon, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout un travail collectif, et moi je suis assez passionné par ce qu'ils font. Ouais, c'est une expérience sonore, j'ai l'impression. Je les ai pas vus, je connais pas, du coup. Ouais. On en sort un peu bizarre, ouais. Ça envoie une espèce de une expérience sonore, voilà, c'est ouais, ça. Je le sens comme ça, là, tout de suite, là, waouh. Mais on vient d'entendre un glissando d'orchestre, quelque chose d'extraordinaire, ouais. Hein, ce qu'il vient de faire, là. Ça faisait partie des références de la tentative toulousaine du Fil, la fabrique d'improvisation voilà. Libre. C'est un peu un cousin du Fil. Voilà, c'est un cousin, oui. Voilà, sauf qu'il y a eu plus de constance, et là, il y a eu vraiment, au Fil, bon, il y a des gens qui sont partis, qui sont rentrés, donc... Mais je pense que là, il y a vraiment Claire Bergerot a vraiment tenu le cap, et puis ça tourne quand même autour de sa personnalité à elle, quoi. Mmh. C'est important comme ça qu'il y ait un leader quand même, et en plus c'est une fille, donc voilà. Et ça c'est le jeudi soir à 22h, jeudi soir, et ça clôture après, pas la soirée. Et ça clôture pas la soirée parce et qu'après on va terminer quand même sur toute autre chose, mais avec des musiciens qui sont quand même aussi, eux aussi des musiciens de musique improvisée, vraiment des musiques de musique improvisée. On se rappelle de Toc qui avait joué il y a 2 ans, qui avait joué à Toulouse aussi, qui est avec du collectif Musix. Et là ils ont fait un pari assez surprenant de faire de la techno. Donc ce sont des musiciens de musique improvisée qui font de la techno avec un renfort Christian Pruvot, pas des moindres. Donc ça est vraiment sans parti pris, quoi. Vraiment sur du beat, ils appellent ça Toc Beat Club, et c'est assez étonnant de voir des musiciens impro faire ça, quoi. On en écoute un petit peu ? Un peu. Allez, Toc 1. Thank you. vient d'entendre Top Game, Top Talk Beat Club. C'est pas simple à dire. Ouais, c'est assez surprenant l'idée de pouvoir danser sur Christian Prugot, mais ça va arriver. Ça va arriver, je crois. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas cru, mais. C'est jeudi à minuit. Voilà. C'est sous chapiteau également. Oui, c'est sous chapiteau. Donc on va terminer. Ça va être un assez long concert. Une fois que les gens seront en transe, ça pourra durer assez longtemps. Voilà. Donc on va se reposer un peu. Et donc, c'est vrai que la journée qui suit va être consacrée à pas mal de. Il va y avoir toute une série de duos, voix, instruments, dans des styles très différents. Et tout au long de la journée, ça va être un peu la thématique de la journée. Et on va commencer avec Melia Bannerman, qui est une artiste locale, avec le guitariste Richard Comte, qu'on connaît bien, qui est un guitariste qui fait partie aussi de ces jeunes musiciens des collectifs parisiens. Et nous allons attaquer au début d'après-midi avec Merleau-Ponty, peut-être dire un mot sur ce projet, ouais, qui, je crois, va surprendre beaucoup de gens, autour de Frédéric Joalon. Pour certains, ceux qui connaissent, c'est le chanteur de Kourgan, c'est un chanteur palois, avec Ressus Aurette, qui est un accordéoniste également béarnais. Et c'est un projet sur des textes, qui est vraiment assez incroyable. Ressus Aurette, qui est un accordéoniste qu'on ne connaît pas assez, c'est vraiment un musicien merveilleux. C'est un projet, c'est difficile d'en parler, parce que c'est vraiment un univers qui appartient qu'à eux, ça ressemble à rien d'autre qu'on n'a jamais écouté, parce que Frédéric Joalon, il a ses textes, mais en même temps, il vocalise, c'est quelqu'un qui peut faire des moments très lyriques dans son chant. C'est un projet vraiment, vraiment étonnant, je ne vais pas en dire plus, mais j'ai vraiment, ne manquez pas ce rendez-vous, ça va être peut-être le moment le plus étonnant du festival. Donc, celui qui va suivre, on va peut-être en écouter. On n'a pas de morceau de Merleau-Ponty. Et on va attaquer avec un autre duo qui s'assoit dans le village d'Esther, hein, parce qu'on va entamer une deuxième balade le lendemain. Un peu moins dur que la veille, parce que la veille, on aura quand même pas mal crapahuté dans les villages. Et là, donc, ça va être à Esther, un duo qui s'appelle Animalka, avec Violaine Lochu au chant et accordéon, et Marie-Suzanne Deloy. Oh, la viole de gambe. Là, on est sur des univers de musique un petit peu orientale, et avec évidemment des performances un peu improvisées. Donc, on peut en écouter un morceau, ça donnera une idée de ce projet qui est vraiment très original aussi. Animalka. Peut-être un mot, on n'en a pas parlé, mais avant ces premiers concerts qui a lieu donc à, enfin ce concert qui a lieu à 18h30, il y aura plein de choses dans la journée du vendredi, avec on commence à 11h. Melia Biderman et puis Richard Comte, il y aura un bal chaloupé également. Ça, c'est dans la thématique des textes poètes sonores, etc. Ouais, ouais. Donc, à midi, après, on a parlé de Merleau-Ponty à 14h30, il y a Sicania à 17h. Donc, chaque jour, il faut bien penser que c'est une journée bien remplie, avec des choses où on fait son choix. Voilà. On peut ça s'enchaîne avec des sites jours, très différents. Voilà. Ouais, ouais. Après, on a le droit de faire des impasses, mais après, on a intérêt. Après, il faut bien choisir. Sicania, c'est vrai que c'est des concerts qui sont sur la place du village. Ce sont des concerts un peu d'ouverture, puisque ça invite tous les gens qui sont là, les touristes, tous les gens. C'est en général des concerts assez rassembleurs, des gens qui passent là, qui sont là sur la ville, et puis c'est des musiques comme ça, qui sont des musiques du monde. La musique italienne avec Sébastien Sirotto. Ouais. Et donc des musiques qui peuvent toucher un plus grand public. Voilà. C'est ce genre de concert. J'ai vu que le vendredi 14 également, il y a 21h30, en grosse partie de soirée, il y a Ametsa. Voilà, alors ça, c'est-à-dire que là, il va y avoir une déambulation, puisqu'il va y avoir un repas à Esther après Animalca. Et on va partir du village d'Esther, comme ça, en procession, de certaine manière, donc pour aller au château Sainte-Marie. Et c'est vrai que château Sainte-Marie, c'est un lieu qu'on utilisait beaucoup à une époque, et là, on va l'utiliser pour la première fois en nocturne. Parce que c'est un lieu qui est assez magique et les gens ils vont être comme ça, un concert nocturne au château Sainte-Marie, c'est vraiment le pari qu'on a voulu faire cette année, parce que voilà, c'est, les gens ils sont suspendus entre deux vallées avec le château au fond, c'est un cadre assez exceptionnel et donc là une musique aussi un peu qu'on a essayé de trouver qui s'adapte à ce genre de contexte, avec là encore une rencontre de deux générations. Bon, Benyat Tachari, on le connaît, c'est vraiment au niveau du chant, c'est quelqu'un, bon, ça fait très nombreuses années, il a souvent joué à Luce. Et Juan Kerabek, que nous recevons pour la première fois, on ne peut pas dire que c'est la rencontre du Pays Basque et de la Bretagne, ça serait quand même un résumé, un raccourci. Mais c'est vrai que dans leur musique, il y a évidemment ses racines. Et là, c'est au niveau des improvisateurs, toi, avec le son d'Erwan Kerabek, qui est à la cornemuse extraordinaire. Et ça donne une rencontre magnifique. On peut peut-être en écouter un morceau. Ah oui, volontiers. C'est parti, donc le duo Ametsa. Come on. c'est marrant, en l'écoutant, je retrouve le sens du mot. C'est une idée qui m'était venue en écoutant Bernard Lubin aussi. Quand on dit jouer de la musique, en l'entendant, je sens qu'il joue avec sa voix, avec l'espace où il se trouve. Enfin, il y a quelque chose de ça qui. Oui, en plus, Benyatta et Chéri, ce sont de vieux complices avec Bernard Lubin. Donc, c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de ce genre de. Et c'est vrai que ce projet, il faut aussi l'imaginer dans ce lieu qui est assez magique, hein, qui est vraiment le château Sainte-Marie. Voilà. Donc ça, ce qui va être rigolo aussi, c'est que ça, c'est juste avant, parce qu'il faut s'imaginer que c'est le 14 juillet, que pendant ce temps, c'est pour ça qu'on s'est éloigné du village, hein, parce que pendant ce temps, il y aura les pompiers qui vont faire le bal des pompiers en bas. Donc on sera loin de ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'adapter un petit peu, de cohabiter. Et donc le feu d'artifice ensuite, et à la fin du concert on va descendre du château, c'est par un tout petit sentier comme ça qui descend avec des flambeaux, donc une expérience nouvelle aussi. Et donc ça, on va amener les gens tout doucement vers le chapiteau, où là il va y avoir une assez grosse surprise, hein. Un spectacle ce genre de spectacle, j'aime bien avoir à l'us, parce que c'est un spectacle qui détonne un peu. C'est-à-dire là, on ne sort pas indemne de ce genre de choses. La cellule d'intervention métanquine, c'est-à-dire là, c'est une explosion d'images et de sons. Vraiment explosion, le mot. Il y a deux musiciens, on peut dire des musiciens, parce que ce sont des cinéastes qui projettent en improvisation des images, et en même temps, Jérôme Nottinger, qui est quand même un grand maître de l'électro, quand même, c'est quand même bon. Et là, tous les trois, ils font de l'improvisation image-son, avec quand même une certaine violence, je dirais. C'est un spectacle très, très, très, je dis explosif, voilà, c'est le mot qui convient. Et c'est un spectacle qui tourne depuis très, très longtemps, nous n'avions jamais eu l'occasion de le faire à l'US. Là, ça va être une autre façon de faire le 14 juillet. Ils projettent des images à travers des miroirs, et les deux cinéastes, ça se mélange avec un gros son, voilà. Donc j'essaie d'écrire un petit peu, mais c'est étonnant, quoi. Ouais, à voir. Voilà. Donc ça va se terminer un peu comme ça. Après, il y aura évidemment le club à la Maison de la Vallée pour les plus vaillants, les noctambules. Ouais, il faut peut-être en parler quand même, hein, ce que tu as. Oui, ça, c'est un aspect important du festival, puisque les festivaliers, ils aiment bien terminer jusqu'à 4h du matin, comme ça, sur des projets où un peu plus noise, ou un peu plus dansant. Là, pour le coup, ce sera le bal chaloupé, donc ça va être une manière de danser, quoi. Danser. Voilà, je crois qu'aussi c'est quelque chose qu'aiment bien les jeunes aussi de la vallée. Donc c'est un mélange, on se mélange les festivaliers et les jeunes noctambules, quoi. Voilà, ça fait partie du festival. Et on attaque le dernier jour, qui est le samedi 15. Voilà, le samedi 15, qui sera une journée où on va rester sur l'US. Là. On finit les balades, tout ça, les trucs. On va, c'est que du concert. Tout le monde est un peu fatigué. Voilà, donc là, on va enchaîner un petit peu tous les concerts tout le long de la journée. Et on va commencer par un projet qui s'appelle Poulenjarche. Alors là, pour le coup, on est très loin du jazz, mais... Là, lorsque j'ai écouté ça pour la première fois, c'est le genre de choses comme ça, quand on fait la programmation, on se dit ça, ça n'a rien à voir avec le jazz, mais ça, c'est vraiment quelque chose de tellement étonnant. Il faut vraiment qu'on présente. C'est des musiciens. Là, on va être encore sur la thématique des voix, des textes et de la musique. On est proche de l'univers rock, mais c'est vraiment un univers, le Poulenjarche, qui ça ressemble à rien d'autre que j'avais entendu jusqu'à présent. Ça va très loin dans l'impro, c'est vraiment un projet assez étonnant. Hop. Donc, on va écouter Ode à Thiers. Tiens bon sous les pas des enfants, sous la course des campagnols. Accomplis ton devoir, les pieds bien installés dans un seau d'espoir. Des quantités de gravures, de cascades enfouies dans ta rate. Et de poutres en métal enfouies dans le mauvais sens. Eh oui, à Jason, il y a ça aussi. C'est vachement bien. C'est un peu les grands écarts, quoi. Ouais, mais... ah, c'est magnifique. J'a... Ouais, ouais, c'est ce Fabien Gaston Rimbaud qui est une personnalité. Ouais. Il est quelqu'un d'assez étonnant. Ouais. Puis ça remet dans l'idée qu'on peut faire du rock avec la langue française, quoi. Ouais, ça ouais, le fait, quoi. Oh. Voilà, donc moi j'attends aussi beaucoup de ce projet. Nous aurons une fanfare d'occasion. Là, quand la fanfare d'occasion, on est dans l'esprit fanfare burlesque qui vont être sur plusieurs moments. Ça, on va laisser la surprise, mais ça fait partie aussi des moments comme ça où ils sont très très rigolos. On va attaquer peut-être l'après-midi, donc à 15h sous chapiteau. Là, je suis vraiment ravi d'accueillir cette musicienne parce que c'est quelqu'un que personne ne connaît. Elle s'appelle Yasmin Azayez. C'est une violoniste tunisienne qui est très connue dans son pays, qui joue beaucoup à Londres aussi. Et Agustí Fernández, le pianiste qu'on connaît bien, qu'on a programmé déjà plusieurs fois, qui est pour moi peut-être le pianiste que je préfère, et qui a repéré cette tunisienne et ils font un duo, c'est assez étonnant. Donc ça c'est pour moi c'est une vraie découverte parce que c'est une musicienne qui joue beaucoup dans la musique contemporaine et là on va la découvrir vraiment sur l'impro, piano, violon. Je crois que la musique va parler d'elle-même. Je crois qu'on va l'écouter un morceau. C'est C'est une super musicienne. Ouais. Volontiers. Je ne connais pas. Statement. Je n'avais pas vu que la lumière était rouge. C'était donc le duo Yasmine Azayez et puis Agustí Fernández au piano. Voilà. À découvrir. Hein, c'est... Bon, Agustí Fernández, je pense que les gens qui ont l'habitude de venir à Luz le connaissent parce qu'on l'a déjà reçu plusieurs fois sur des projets très différents. Et là voilà, ça, la découverte, c'est vraiment cette violoniste. Ouais. Tu parles qu'ils ont fait un album ensemble qui s'appelle Révélation. Voilà. Je ne le connais pas, en fait. Mais... Voilà. Ça en est une. Ouais. Excellent. Donc, il nous reste 5 minutes. Peut-être qu'il faut parler du projet Jarawa. Oui, Jarawa, ce serait dommage de ne pas en parler parce que c'est la création du festival. Mm-hmm. Donc on fait ça en partenariat avec le Festival Tribu de Dijon et Jazz d'Or à Strasbourg. Le spectacle va être créé à Luz. Il va être en résidence pendant 3 jours pour préparer ce spectacle. Et c'est vrai que lorsque Émeric Avis m'a parlé de Émeric Avis, ce trompettiste que j'aime beaucoup, et qui m'a parlé de ce projet avec Donny Glasrow, je me suis dit qu'il pouvait vraiment se passer quelque chose entre ces deux musiciens de deux générations. Et en plus, lorsqu'il m'a dit qu'il y avait Jasper Stradouders, j'adore ce guitariste hollandais. Donc voilà, donc c'est un mélange. C'est Amad Compaoré, qui est un batteur marseillais qui a beaucoup joué. Il a notamment joué avec Fred Frist, c'est quand même un personnage à découvrir. Donc voilà, sur un casting comme ça, on se lance un peu, on a une prise de risque, on fait confiance à Emmerich parce que je crois que c'est un musicien assez incroyable. Et voilà, donc évidemment, on n'a pas de musique, on attend un petit peu, on va découvrir en même temps que le public, c'est aussi ça, quelque chose qui est très excitant. Quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est notre création cette année. C'est voilà. Bien. Voilà. C'est bien. Avant ça, donc, il y a quand même des choses le samedi, hein, à 17h, 19h. Il y a plein de choses dans les cafés, dans les... Voilà. Tas de... Il y a le projet Artus sous chapiteau à 23h, voilà, quasiment ça. Pour clôturer le festival, quasiment. Bon, Artus, c'est des gens qui sont un peu connus maintenant dans les mondes un peu underground, régionaux. Quoi. C'est, au départ, ce sont des musiciens traditionnels, musique occitane, avec Via la Roue, etc., des chansons occitanes, qui ont mélangé ça avec le gros métal, bien le métal. Quoi. Donc c'est le mélange un petit peu des guitares électriques et de la Vielle à Roue. Et c'est un projet maintenant qui tourne depuis, qui est assez solide maintenant. À une époque, ça s'appelait Famille Artus. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce groupe, surtout tout le genre. Donc on a vraiment, voilà, c'est un peu aussi un clin d'œil. Il y a tout un tas de gens qui aiment ce groupe et qu'on devait faire depuis très longtemps. Je suis ravi qu'il soit là cette année. Mmh. On peut aller écouter un petit morceau. Allez. Alors, c'est parti, ce sera Desvel. Voilà, on écoute le projet Artus là, qui passera à Jazzalus samedi soir à 23h, quasiment pour clôturer le festival, parce qu'après il y aura Bourbon Fever qui est plutôt une fin du festival en dance, si j'ai bien compris. Ouais, plutôt radicalement festif. Radicalement festif, d'accord. Et donc merci beaucoup Jean-Pierre pour nous avoir fait découvrir cette belle programmation sur 4 jours. Donc ça se passera du 12 au 15 juillet, donc du mercredi soir au samedi soir. À Luz-Saint-Sauveur et dans la vallée. Voilà, bon, après c'est vrai que pour les gens, bon, ce qu'ils veulent, bon, ça leur a donné une petite envie en écoutant quelques morceaux. Il y a la possibilité d'aller sur le site et d'approfondir un petit peu, de regarder un peu tout ce qui va se passer. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de différents concerts, mais c'est, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe pendant 4 jours parce qu'il y a beaucoup de balades, de rencontres, etc. Donc ouais. C'est vrai qu'en allant sur le site, on se peut faire une idée plus précise. Ouais, c'est www.jazzalus.com. Allez voir. Il y a énormément de concerts, il y a énormément de choses gratuites, on a passé très peu de choses ce soir. Il y a un abonnement pour les 4 jours, il y a un pass 4 jours, ça reste tarif spécial pour les étudiants, demandeurs d'emploi, etc. 35 euros, c'est incroyable, c'est pas cher, c'est génial. N'hésitez pas, faut découvrir. Moi, c'est des musiciens qui font tourner la tête, quoi. C'est magique que ça existe, tout ça. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? On vous souhaite. On se donne rendez-vous au mois de juillet. Un bon festival, on se voit là-bas. Et puis, portez-vous bien. Est-ce qu'on a une autre émission nous prévue ? Peut-être pas, hein. Ça va être les vacances. C'est les vacances, ça. Donc, c'est peut-être à la rentrée. Donc, on se retrouve au festival. On se retrouve au festival Jazz à Luz. Salut à tous. Merci beaucoup.